comme individu reçu au bal des neurones. On est des douteux que les amis affectionnent, tellement fait fort, du bon bon bon fort, chatons et doutons encore. Oh, oh, oh, oh. Pas question de réponse bidon, pas de nouilles, rien de méchant. Pas de bêtises, pas de Jésus, les douteux, tout à nu, tout nu. Quand la cloche sonne, un bon tout te donne. Est-ce qu'on s'est endormi depuis? Qu'on pense qu'on sait ce qu'on dit. Vive la vie, vive le vent, tout comme 70%. La legacy que j'offre à ma race. En fait, en reconnaissante. Autre, ouais, c'est ça. Oui, oui, oui. Bruno Corbin, bonsoir. Bonsoir. En manchette ce soir? Non, en manchette ce soir, je me suis rien préparé. Fait que on va avoir des nouvelles, là, puis on va parler de choses. Fait que tout va être vraiment frais comme nouvelles. Ça va être d'actualité. Oui, oui, c'est ça. Non, mais j'ai préparé des nouvelles, mais j'ai pas préparé un en manchette ce soir. Fait que je me rappelle plus de quoi qu'on parle. Okay. On va parler. On va en parler. En tout cas. On parle du stress des entrevues. Ça. Boudreau? Ouais. Ben mon fils t'a fait encore un dessin. Hein, je suis très content parce qu'on a une belle surprise pour tous les amis à la maison. Oh, ah, oui. Ça veut dire toi ça. Oui. Voilà. Et toi aussi. Toi, oh, mon poussineau caramel de pompier gentil. Mm-hmm. Fred là-bas. Fred flatte un chien. Oui. À la demande générale. Oui. C'est Jack. Le chien en Jack le samouraï. Jack le samouraï, je savais pas que ça s'appelait de main. Non. Enchanté, Jack. Chris, non. Il y a ben, peut-être le Tao de la en mort. En fait, on l'interviewe tout à l'heure pour savoir ce qu'il pense de Occupy Montréal et des accommodements raisonnables. OK. De Noël. Le chien a étudié les derniers... Les derniers débats. Puis toi, Fred, d'ailleurs, parlant de derniers débats, tu nous as ramené du flirt métro. Ben ouais, des métro flirts, pas trop loin de Abdouli, médium africain reconnu, qui est de retour après un ressourcement spirituel. Appartenait. Il est sorti, en fait, bien de sortir. Ouais, c'est ça. Il est dans toi, Forêt, de Noël? De Noël. Moi, forêt aujourd'hui, Noël. J'ai apporté une magnifique liste de Noël. Je suppose qu'elle est dans le tas de paperasse ici au centre. Quelque part de Noël. Elle est rangée dans nos dossiers. Donc, voilà. C'est vous qui faites les choix aujourd'hui. Ah, c'est notre cadeau! C'est votre cadeau. Oh, yeah. En tant que Père Noël, vous me faites les demandes. Fait que là, moi, j'ai la liste ici de Noël. Et là, ça s'étend aux auditeurs à la maison qui nous écoutent live. Vous pouvez nous tweeter ou nous écrire sur le douteux.tv, le chat, ou sur douteux.org, le Twitter, ou sur 70% à gmail.com. 70POUR100. Une toune de Noël que vous voulez entendre. Faut que ça soit de Noël, là, par exemple. Sinon, comme là, on vient de me demander la toune des hamsters allemands, mais c'est pas de Noël. Fait que désolé, Robe de Sam 112. Ça veut pas dire que... Non, ça veut juste dire qu'il n'y a pas de Noël. C'est ça. Puis c'est ça. Puis ici en studio, ben vous pourrez choisir là-dedans, c'est toutes les tunes de Noël que j'ai déjà fait jouer depuis que je vous connais. Genre le thème de Die Hard 2, ça marcherait. Ça marcherait, mais je l'ai pas, par contre. C'est ça qui arrive. Totalement de Noël. Sinon, on a reçu du courrier. Oh! Ben, je pense qu'on va faire les nouvelles en commençant de même. C'est une bonne habitude, ça. Ceux qui veulent savoir si on lit leurs affaires, ben ils n'ont pas besoin ben de scroller jusqu'à la fin. Exact, là. Fait que, comme ça, je rassure tout de suite service assistance à googleserverinfo.com. On a bel et bien reçu votre mail, puis on les lit. Donc, ça nous dit, chers membres, dans le cadre des vérifications des entretiens Google Accounts, nous vous permettons de vous identifier le plus tôt que possible, car notre serveur ne nous permet pas de répertorier votre entretien Google Account TM dans un petit coin. Pour ne pas voir votre compte fermé lors de nos différentes activités, nous vous prions de remplir les champs ci-dessous dans les normes. Puis là, il y a une petite étoile, entre guillemets, obligatoirement avant les 72 heures. Là, je vais juste checker. On a reçu ça. OK, on a juste reçu ça il y a 8 heures. Fait que on a encore du temps en masse. 4 heures. Il nous reste 64 heures. Au cas où il manquerait des informations non renseignées, votre compte sera immédiatement suspendu. Fait que là, on demande nom, prénom, sexe. mot de passe, confirmation de mot de passe, parce que ça faut que tu l'écrives deux fois dans ton mail que tu le renvoies. Et plein d'autres affaires, questions secrètes, réponses secrètes. Ça serait pas un spam? Moi, je m'occupe de ça, je leur réponds, puis je vous tiens au courant de quand est-ce que quelqu'un va envoyer des spams à notre nom. D'ailleurs, je salue ma boss qui m'envoie des procès, Paulette Hood, qui s'est faite spammer de même, sauf qu'elle, elle a répondu à ce mail-là. Oh, Paulette. Puis là, finalement, il y a un Africain qui est, bon, je sais pas si c'est un Africain, quelqu'un qui se faisait passer comme pour un Africain. En fait, non, c'est pas vrai. Quelqu'un se faisait passer pour elle en Afrique, puis là, il a envoyé un mail à tout le monde de ses contacts disant « Je suis en Afrique, j'ai besoin d'aide, envoyez-moi de l'argent, je suis super malade, ça va pas bien, je n'ai pas accès à aucun moyen de communication sauf le email », ça c'était sous-entendu. Mm-hmm. Puis moi j'ai reçu ça, puis là je riais, tu sais, mais le problème c'est qu'elle a fait affaire avec des avocats puis des palais de justice, tu sais, dans cette ouais, c'est ça. Qui ont tous reçu ce mail-là, et ultimement ça a été super long avant qu'elle réussisse à ravoir le contrôle de son compte, mais entre-temps il y a un avocat qui a envoyé 1250$ à son alter ego perdu en Afrique. On le salue, bravo à lui quand même. Bravo, c'est très généreux. Ouais. C'est émotif, hein? Voilà. C'est ça, c'est tout. C'est vrai, c'était généreux. C'était une belle manière de rendre service, d'être désintéressé, mettons, au contexte que la personne qui te demande le service vit. Tu sais, il ne t'appartient pas de juger les besoins d'autrui, comme absolument. Tu nous as rappelé la semaine passée. Absolument. Avant de parler de ton fils. D'ailleurs, il va être content, Mathieu Junior, parce qu'on a décidé à 70% de lancer un concours de dessin. Le but, c'est vraiment de tu sais, qu'il sente qu'il a établi des standards, que son travail est valorisé. Super. Donc, il va être content d'apprendre ces trois dessins. Si tu me dis qu'il continue à en faire, il choisira celui qu'il veut. On a bien sûr la famille dans le parc d'attractions, les amis dans la forêt et bien sûr le baigneur au soleil. Et ça, c'est tout des... Tu sais, ça sera lui qui choisira c'est quel des dessins qu'il veut faire rentrer dans le concours. Mais oubliez pas d'écrire votre nom sur le dessin que vous nous faites parvenir. Il y a beaucoup qui écrivent pas de nom. 1803 Saint-Christophe, Montréal, Québec, H2L... 3W9. Vous écrivez votre nom. Ici, on a déjà deux dessins. Il y a Rémi qui nous a fait Simon Chénier de Noël. Oh. Et on a aussi Lucie qui a gagné une bonne avance sur vous autres, là, parce qu'elle fait des bons semblés. Ça goûte bon. Et sauras-tu retrouver l'hélicoptère qui se cache dans le portrait de la mort de Noël? Et voilà, c'est déjà toute la mythologie. Hein, H2L. 3W9. Ben ouais, on est rendu avec la technique de l'adresse. L'adresse va apparaître dans le bas de votre écran. Et voilà, les amis, le prix est encore à décider, là, mais ça s'enligne pour PlayStation 3. Non, PlayStation pour moi, 3. Ça va être une Nissan Sentra. Probablement une Nissan Sentra. Nissan Sentra. On en a tellement. On a tellement des Nissan Sentra. Ça fait longtemps qu'on n'a pas donné. Sinon, on continue les petites nouvelles de Noël en commençant à 70%. Ce samedi 17 décembre qui s'en vient à partir de 13h, on a une belle programmation de Noël. Ça va être en direct du musée ici de Noël. Et en plus, il va y avoir des projections, blabla, des bandes. Là. Il va y avoir de Noël dans le feu. Ouais. Il va y avoir magie aussi, de Noël. Boudreau de Noël, je pense, de Noël. De Noël. Boudreau, il dit. Moi, je suis content parce que j'ai écrit deux contes. On m'en a demandé un, puis finalement, j'en ai fait deux. J'ai le Ninja de Noël à vous présenter en toute grande primeur et le Noël de Noël. Parce que Noël, c'est aussi un prénom masculin pour des gars pas chanceux qui vivent ça. Qui se font tout le temps faire la joke à chaque année. C'est ça. Fait que ça traîne un petit peu autour de ça. J'ai deux belles morales, en fait, autour, parce que ça te prend de morale, si tu veux que ce soit un conte. Voilà, j'ai bien aimé ça. Sinon, notre horaire de Noël au visionnement douteux, parce qu'on veut que vous continuiez à les voter, mais pour le 26, le lundi, à Montréal, à date, ça s'enligne pour être de Noël, avec des spéciaux de Noël qu'on va sélectionner de Noël, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de choses à montrer, comme le He-Man de Noël et de Noël. Beverly Hills de Noël. Le deuxième, le Who's Talking, qui paraît qu'il est de Noël. Nous a dit ça juste en dos. Et voilà, ça s'arrête jamais. Pour ce soir à date, en tout cas, c'est... en fait, le 26, ça va être assez tranquille. La semaine prochaine, c'est notre spécial de Noël au visionnement. De Noël. Et puis... Ouais, de Noël. Et puis, le 2 janvier, ça va être la rétrospective de l'année. De Noël. C'est pas mal ça. C'est l'année 2011, là. Ouais, ouais, c'est ça. Pas 2012. Non, pas encore, parce que... Et voilà. Non, c'est... Okay. On pourrait aussi. Ben ouais, mettre ça au clair. Sinon, le film qui a été voté sur le www.douteux.tv, .org, ça, c'est ce que vous écoutez, TV. En fait, c'est un film de Shane Van Dyke. C'est Titanic 2. Shane Van Dyke qui nous a produit des choses, en fait, qui a réalisé, après avoir joué dans des mainstream puis y aller par la bande, il a décidé de se mettre au centre d'action qu'il... Bon, ok, mettons, il y a eu Transformers. Ben lui, il a écrit, il s'est mis au centre de l'histoire d'un film qui s'appelle Transmorphers. Ouais, c'était bon, ça. Ok, mettons, il y a Paranormal Activity. Mais lui, il a écrit et réalisé un film qui s'appelle Paranormal Entity. Ouais. Mmh. Et puis, dans le film de Paranormal Entity, c'est du vrai tape filmé pour vrai qui nous montre les heures menant à la mort d'une fille qui était dans un appartement tranquille, puis tu sais. OK. Hein? Énigmatiquement. Et voilà. Donc, il y a Andy qui vient d'arriver à la technique. Il salut, mange Andy. Des Gobstoppers. Hey, on peut-tu en avoir? Ah ouais. et avant d'aller avec le premier clip que notre ami Préjean va choisir, j'aimerais vous présenter un de nos invités. C'est Bruce de Spruce, mesdames, messieurs. Ouais, ben moi je vis avec chaque jour. Et ce qui est le fun, c'est que il est détecté par les mouvements. Il détecte les mouvements. Oui, fait que, tu sais, là, il arrête. Ben oui, fait que là, ça te surprend dès que tu passes devant. Agréablement, bien entendu. Est-ce qu'on met les Jingle Cat en background ou... Ouais, j'imagine. Je mets à off pour les besoins de l'émission. On a effectivement reçu aujourd'hui le Jingle Cat que j'avais mis là, effectivement. Merci, Israël. Mais est-ce que c'est ça qui joue en background? DVD de Jingle Cat ne joue pas en background encore, là, mais ça s'en vient. Donc, Juno, ils ont tellement copié pour leur pochette. Là. C'est ça. Les Jingle Cat, il y a plein de choses à apprendre de ça. Qu'est-ce que tu nous mets? Fred Fortin et Grande Jambe, c'est le premier clip de la journée à 70%. Sur du tout TV, hein? La télé délaissée! L'alternative à l'alternative urbaine. Ça va encore plus déprimer. La marge de la marge. très bon film, le Titanic 2 de ce soir, puis j'ai découpé plein d'extraits parce que ça représente bien un archétype du douteux qui se veut, je sais pas, le vampire total. ouais, pas mal, la néo-marde, la vraie, ça existe juste parce qu'il y a des effets spéciaux. On va se saucer avec des extraits vu que j'en ai tout plein. Le premier, c'est à 8 minutes 55. Notez les bruits d'ambiance qu'il va avoir autour, j'ai trouvé ça fabuleux. Et surtout, le CV du bateau. Les CV parlés haut et fort, on va en reparler dans l'émission, là, mais c'est vraiment comme un CV chanté à 8 minutes à l'intérieur du film. Allergique à Titanic. Allergique au Jingle Cats. On va mettre le DVD plus long. Ah, c'est ça. Ça, ça se passe-tu sous l'eau, Titanic 2? Je comprends pas. Pas de problème, monsieur? Non, ça va. Il y a l'ambiance, tu sais, ça dit que c'est. Il y a l'infographie aussi. On voit que c'est une glacier. Salut, Dwayne. Amy Main, content de vous voir. C'est vrai que ça a fait du bien. Bienvenue sur Titanic 2. Merci. Bienvenue sur Titanic 2. Il me semble que je la rirais à toutes les fois que j'aurais passé une carte. Bonne chance. Ce qu'on... Amy. C'est le héros, c'est lui. C'est Shane Van Dyke. C'est gentil. Tout a l'air magnifique. T'as fait du bon boulot. Ça va, ton vieux? Ouais, mais c'est des petits des adaptateurs, là, genre des. À plus tard, alors. Comme des petits. On est-tu de 8 minutes à 8 minutes 55? Hey. Ah ouais, c'est ok, c'est bon. Va donc à 13 minutes 50, on va regarder l'infographie du bateau quand il quitte le port, là, vous allez voir, j'ai trouvé ça fabuleux. Parce que je suis rendu que je travaille là-dedans, là, je donne des gémeaux et tout ça. Mais le bout qui va avoir du color key autour, vous allez voir, c'est assez fabuleux. Ça, c'est le capitaine du bateau. Et voilà, on est dans le port, on avance. C'est un des rares plans fast, tu sais, un des rares plans qui nous montre que le bateau il est grand, mettons, et voilà. Regardez en avant du bateau comment c'est bien fait, tu sais. Oui, hein, Si on a pensé autre. Et voilà le bateau qui s'en va vers l'horizon infographique. On est vraiment saucé dans quelque chose de très, très, très qualifié. Je te dirais de stéréotypé, mais apporté au goût du jour juste à cause des faits techniques spéciaux qu'ils ont pu se payer. Après ça, ça serait à 15 minutes 40, s'il te plaît. C'est assez fabuleux ce bout-là parce que c'est important qu'à un moment donné. Et voilà, on est sur le glacier, par rapport, ou en tout cas sur la base arctique, là, je sais pas trop c'est quoi. Et puis, là, il y a l'iceberg qui va percuter le Titanic. Ça se peut, ben, il est géant, là, c'est gros comme un continent. Là. Et j'ai besoin qu'on me prenne au sérieux quand je dis qu'on est assis sur une vraie bombe. Je vous écoute, alors. Ils sont assis sur une bombe. Ah oui? Bombe. La vague causée par le glacier d'hier s'est ressentie jusqu'à Baffin, au nord du Canada. À Baffin? Le morceau du glacier qui s'est rompu faisait la taille de Manhattan. Imaginez ce que ferait un morceau de la taille de Rhode Island. J'imagine que la vague traverserait la moitié de l'Atlantique. Imaginez une moitié de plus. Ok, puis maintenant imaginez toutes les mesures de sur ça. Sa masse montrent le divise par 1.82. La glace serait puis tracte pas et mal se fissure. Ça. Puis ça, là, des affaires comme ça, la taille de Wyoming, puis la moitié de plus que sa grandeur totale. C'est totalement incroyable. Et c'est inédit. Mais ça, imaginez un café. Ouais, j'aimerais ça avoir une réponse en deux. Fait que là, dans le fond, là, ce qu'elle est en train de faire, c'est de nous montrer des hits. C'est la banquise. Puis là, elle est comme en train de nous montrer, avec des beaux graphiques et des affaires Est-ce informatisées, à quel point que quand que le glacier va s'effondrer, ben, tout le monde va... Hey! Faites pas ça, soit. Checkez bien ça. C'est l'effondrement d'hier. Sexy sous la neige. T'es en train de le dire. T'es en train de dire que c'est le glacier qui va faire qu'à un moment donné dans le film. Seigneur Dieu. Vous avez déjà jeté un pavé dans une mare et observé comment les ondes se propagent. Hier, c'était un avertissement, mais demain, ce sera un vrai drame. Ouais. Oh boy. Et l'océan Atlantique tout entier sera la mare. Fait que l'antagoniste, c'est comme une affaire qui va tomber. Hein. Ouais, ben c'est souvent ça le problème avec les glaciers. Hey, on a fait ça! Imaginez quelque chose de 1,5 fois pire que hier. Et imaginez-vous seul à comprendre ce que vous dites. Hey, ben merci Fred. On va revenir en onde. Ça a été, on va revenir aussi parce que j'ai écrit un long texte là-dessus. Ben, j'ai vraiment écrit cette semaine. Là. Ah oui, t'es inspiré. Ben oui, c'est ça. J'ai écrit un conte pour la première fois et ça l'a embarqué. Peut-être qu'on pourrait y aller avec Étienne Forêt qui pourrait y aller de Noël. De Noël. Et Mathieu de Noël, tu pourrais choisir une de Noël tune. Ah ben moi, ça va être comme ça. Hein. Ça va être la famille Marino et Jour de l'An. Excellent choix. Parce que c'est comme ça. Parce que le jour de l'an et Noël, c'est... Pour moi, c'est la même chose. Ça va ensemble sur le temps des fêtes. La famille Marino, en fait, eux autres, ça, c'est une famille qui font des tounes un peu épeurantes de Noël. Comme. C'est un crossover avec l'Halloween, genre. Genre, c'est ça. Halloween. Ils jouent... bon, je le joue souvent, là, ça, puis on a souvent le même commentaire, mais ils jouent comme des accords mineurs puis diminués au lieu de jouer du majeur comme il se doit. OK, ouais, ouais. Puis ils sont pas super bons. Fait que voilà. Jour de l'an. Écoutez bien, au début de Jour de l'an, comment que le pianiste cherche la clé pour rejoindre la chanteuse. OK, j'en pense. Je sais pas si on l'entend ici. Moi, je l'entends pas. J'entends. Ah, excusez. Bon, Predge. Pas grave, Predge. Là, Predge. Là, on devrait... Non, on devrait, c'est bon. Je le repars. Je l'entends toujours pas. Ah oui, OK. Ah, par là, on n'a pas entendu le début. C'est pas grave, okay, le monde à la maison, ils l'ont entendu. Ouais, tant pis pour la maison. J'ai dit bonjour ma mère, mon petit papa est il absent sur les mains. Oui, je l'aurai dans la mémoire longtemps. Je vais le retrouver. Ah, c'est vrai que c'était pas. J'ai dit bonjour ma mère, mon petit papa est il absent. Non, mais non, ma fille, il doit être au bâtiment sur les mains. Oui, je l'aurai dans la mémoire longtemps. Avoir quelque chose dans la mémoire, ça peut être une métaphore. Non, ma fille, il doit être au bâtiment. Voilà. Ça fait peur un peu. Oui, je l'aurai dans la mémoire. C'est une belle rythmique, merci. Quand même. Une belle découverte. Elle fait un signe, bonhomme, qui s'en vient d'ordinateur. Peut-être qu'on pourrait demander au chien d'en choisir une pour penser à part. Toi, Bruno, t'en as choisi une. Elle est cool, c'est dur de. On a l'impression que si on en parle en mal, on va peut-être maudit. Je sais qu'il y en a. Parler en bien, c'est pas facile. Ben, lui, il a réussi à la rattraper. Ouais, finalement. Mais elle la sauve encore. Il y en a avec des vaches, là. Il y en a-tu avec des vaches? Il y en a une avec des vaches qui serait une nouvelle, dans le fond. Là. Ouais, c'est ça, mais je sais qu'on va la faire, celle-là, tantôt. Ouais, fait que moi, je vais le faire parce que personne d'autre va le faire. Je vais prendre Frédéric Le Grand Pré. Oh, baby! Toi pour Noël avec Maxime Roy. Oh, baby! Est-ce qu'on l'écoute au complet, celle-là? Ah, on peut bien. Hein, c'est du produit du terroir, c'est québécois. C'est du bonbon pour les oreilles. C'est de Noël, c'est Frédéric Le Grand Pré. Avec Maxime Roy, là. Offrez-vous un martini, levez les jambes à hoteur de la taille, là. Laissez-vous aller à 60. Bonne robe de chambre, hein? Ouais. Ah oui. Ah ouais. J'ai eu Circle of the Moon. Ah ouais. Chagallon, hein? On a mis grand main. Cette année pour Noël, j'ai un souhait. Sous le gui, nos tendres baisers, jusqu'à demain vont se prolonger. Je ne serai pas triste à Noël si tu es dans mes bras, et ce sera le plus. sera le plus joyeux. Les manchettes internationales avec Bruno Corbin. Tu balises, man, t'es le premier avec une intro. Ça s'en vient. On y va tout de suite en nouvelle. Pas une deuxième fois, là, quand même. On y va tout de suite. Accusé d'avoir demandé des services sexuels en échange d'argent, l'ancien shérif de la ville de Centennial au Colorado est derrière les barreaux. Patrick J. Sullivan Jr. est détenu au centre correctionnel Patrick J. Sullivan Jr. La prison qu'il habite, en attendant son procès, a été renommée en son honneur en 2002. La communauté policière se dit attristée par cet événement. Une autre bonne raison d'attendre la mort de quelqu'un avant de nommer quelque chose en son honneur. Pas à peu près, oui. Hey, t'en as-tu une autre? Ouais, je peux y aller avec une autre. C'est plus drôle quand c'est judiciaire, me semble. Moi, c'est mes préférés. Toi, t'es pas objectif. Moi, je le suis. Oh, je m'excuse. Je pensais que j'étais objectif, mais vu que je le suis pas, je m'en rends pas compte. Tu devrais faire des gros efforts pour devenir objectif. Ça va être ma résolution de 2012. Ça devrait être ton objectif. Ça drôle. Ah ouais, fais-en un autre. Alors, Tommaso, un ancien chat de gouttière de la ville de Rome, est maintenant probablement le chat le plus riche au monde. Depuis la mort de sa maîtresse de 94 ans le mois dernier, il possède des propriétés à travers l'Italie d'une valeur estimée à 10 millions d'euros. C'est un aristochat, man. Voilà. Dans son testament écrit à la main en 2009, la veuve sans enfant d'un constructeur important donnait à son avocat la tâche de trouver une personne ou une association qui devrait s'occuper du chat et obtenir l'héritage. Donc, c'est pas vraiment le chat qui a l'argent, là, parce qu'ils peuvent pas faire ça en Italie, mais... Pas faire ça ici. Voilà. Plus de... sa fortune est minime en comparaison à celle de Gunther IV, un berger allemand qui a directement hérité de son père, Gunther IIIe. Attends, le chien, il a légué au chien. Et Gunther IIIe était l'animal de compagnie d'une comtesse allemande, selon le Pet Gazette. Le chien a donné. Ouais. Il a mis chien. Sa papate, là, en bas à gauche. Puis le Saint-Esprit, d'accord, puis tout. Excuse-moi, c'est pas bon, on est en Allemagne. Une fortune estimée à 372 millions de dollars. Ah, quand même. Voilà. Il y a des photos de lui, si vous voulez, sur Internet, avec genre comme il y a le chien, puis il y a des pitounes en bikini qui sont avec le chien, genre, parce qu'il est capable de se payer ça. Il peut faire, c'est ça qu'il veut aussi. Oui, clairement. Ah, lui, c'est ça, là, il y a une espèce de drôle de fétiche pour les gens d'une autre race. Ben, ouais. C'est espèce, ça qui arrive. Ouais, quand t'es bien riche, à un moment donné, là, comme tu te crées des vis dans ta tête. Ça isole l'argent, à un moment donné. Veux pas, tu sais jamais si le monde est avec toi pour ton cash ou pas. Fait que... Le monde dit que c'est un chien fou. Ben oui, c'est ça. Mais dans le fond, le chien, c'était son seul vrai ami. Ouais. Puis lui, au moins, il écoute. Et voilà. Hey, merci bien gros, Bruno. Ça fait plaisir. Fait que là, on a fait Bruno, on a fait Étienne, on a moi qui a parlé longtemps. Prête, moi j'aimerais ça que tu nous parles d'un autre clip que ça te tente de mettre. Ça va être les Hives. Puis après ça, on va revenir à 70%. Ça va être Fred ou Mathieu, là, celui qui va gagner le match de pouce. Moi, on ignore encore Israël. Ouais. Non, arrête. Qui? Ouais, c'est ça, on ignore qui. Je vois tout le monde. Il y a le chien. Ouais. La chaise vide. Il y a Andy derrière la caméra. Ah oui, ça va bien. Je pensais que le chien s'appelait Israël. C'est The Hives. Ah, c'est bon, The Hives. C'est bon, alors on écoute The Hives. Yeah! Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Ben ouais, mais on l'a eu. Un Christ de Joyeux Noël. Un tabarnak. Ah, y'a la musique plus! Oh oh! Hey, retour à la maison Musique Plus! On a du plaisir ici en studio! Oui. C'est-tu nos premiers rires de retour à la maison? Oh oh oh! Excellent! Ne manquez pas Cody Simpson à la session live demain matin! Star Academy! Oui! D'ailleurs, hier, j'ai écouté le show de Martin Matt, condamné à l'excellence, là. Mm-hmm. Oh! Laisse-moi te dire qu'il est virulent, oh, là. Que oui. Il écorche tout le monde au passage. Oui. Toute la banlieue. Il n'y a pas sa famille à qui il est pas mal sévère, tu sais. Et puis là, on se demande vraiment où c'est qu'il est allé chercher tout ça. Ah oui. Ah moi, je dirais ça arrive nord en banlieue, là. Mais les jokes de belle-mère qui font de la bouffe, les jokes de blondes qui veulent pas se laver et mettre des fesses. Tout je pense, il ne laisse personne indifférent. Hein? Et voilà, tout le monde se on fait aime ou on n'aime pas ça, je pense. Et voilà. Puis tu peux jamais baisser ta garde. Jamais. Parce que tout le temps, il peut te revenir avec de quoi. Ben là, je t'interromps, Tommy, parce qu'il va falloir parler avec celui qui est sorti d'Occupation Double hier. OK. Mais avant, on va voir Fred, je pense. Super. C'est bon, merci. Ouais, c'était fini, Occupation. Ça a l'air qu'ils ont encore gaffé aux communes. Oh! Alors, il fait moins 1 degré. 9, un deuxième album. Vas-y, parle-nous de Flirt Métro, Fred. Ouais, ben oui. T'es notre courrier du cœur, finalement, on dit tout ça. Ouais, si on veut. Si on veut. Des gens qui s'ouvrent le cœur, grand ouvert, dans les pages du journal Métro à chaque matin. Donc, on en a plusieurs encore cette semaine. Donc, je les accumule à tous les jours. On commence à en avoir beaucoup trop, puis... on va sélectionner les meilleurs dans le fond. Moi, j'ai... Les meilleurs, ouais, oui. J'ai fait les un spécial ce soir, édition joke. Parce que il y en a là, des fois, là, tu lis ça, tu fais comme non, ça se peut pas. Tu dis c'est juste comme. Fait que dans le fond, là, t'es en train de nous lire les moins 6, moins 7 à la place des plus 6, plus 7 que tu lis d'habitude. Ouais, c'est ça. Non, je te dirais pas plus 6, plus 7 d'habitude. Là, c'est juste que. On se dit, regarde, il y a un ami tantôt, la semaine dernière, Bernaché, nous a fait deux semaines. Ouais, c'est ça. qui me disait que son ami avait été lié dans Metro Flirt. Il avait dit que c'est ça. Puis je l'ai quelque part aussi, je vais le lire, peut-être je vais le garder pour la semaine prochaine. Mais il y a des gens qui font vraiment des jokes, là, parce que tu lis ça, tu fais comment qu'ils sont. Ouais, c'est pas corriger rien, c'est tel quel. Fait que n'importe qui. Ouais. Il y a peut-être même des terroristes qui s'envoient des messages au travers de... Ouais, il y a des codes. Des fois, si tu prends la première lettre sur chaque ligne, ça fait une phrase. Ouais, envoyez. Journalmétro.com/flirt. On vous encourage. Allez écrire des niaiseries là-dessus. Donc, ça va paraître. On va être sûr que c'est une joke. T'es encourage. Moi, je les encourage. Ouais, c'est ça. On commence avec la première. Je veux garder ma job. Allez écrire. Ceux qui... Ouais, c'est ça. Joli gars. Ça commence avec salut avec ben D.E. On t'a vu dans le métro direction Jarry et t'avais l'air très gentil car tu nous as fait un beau sourire. Ben oui, c'est deux petites grosses, on va continuer. C'était adorable, on trouve que tu ressembles à Lady Gaga. C'est pas, je sais pas si tu connais. Tu dois avoir peut-être tu dois avoir peut-être 47 ans et demi. Et nous étions les quatre dans le métro. Une avait les cheveux rouges, l'autre vert, une brunette et une blonde. On est un peu grassouillette. Je pense que tu as changé nos vies car depuis qu'on t'a vu, on se sent mieux. M-I-E-U. Et on s'est mis au sport. C'est E-S-T. Au plaisir de te revoir. X-O-X-O-X. De 4 colorouilles. Les 4 colorés. Ok, je comprends ce que tu veux dire là. Ouais. Soit que c'est une petite fille qui a finalement eu le courage de s'exprimer d'une très mauvaise façon au mauvais endroit. Il était 4 petites ou soit filles, c'est du monde qui a fait une joke. Puis petite grosse. Un gars de 47 ans et demi. Qui, On n'est pas son gras 7. Lisez un autre avant que. Beauté on passe de la surprise de la soirée. Nos regards se sont croisés hier soir, le 7 septembre, vers 22h, dans la 112 à La Salle. Quand je suis sorti avant toi, on s'est regardé encore et on s'est souri. On était assis dans le fond, toi côté droit sur le côté et moi dans le fond à gauche. Fais-moi signe, je te donnerai mon email. Et voilà. Ça ressemble le gars plus de la 112. Aux autres, pareil. Là. Parce que lui, il y a du temps, il y a l'endroit... Il y a même la date, 7 septembre vers 22h. 7 septembre vers 22h. Ouais, mais c'est pas vite ça quand tu reprends le boss La Salle à chaque calice de soir pour revenir de ta calice de job. Puis si, ah, ben, ouais, puis si t'es tout le temps sur ton cellulaire, t'as tout le temps le temps, puis c'est plus tough, mettons, de se sentir maître de l'horloge en étant l'esclave. Je vais le regarder ça. Moi, j'ai compris qu'est-ce que tu voulais dire. Hey, Fred, tu vas rester puis tu vas en faire d'autres à un moment donné. Oh, ouais, deux, trois. Ouais, c'est ça. Choisis les meilleurs. Là. Les meilleurs. Bon, ben oui. Il dit c'est à ton tour de parler puis il dit ben, je vais choisir les meilleurs. Ouais, non, c'est pré-sélectionné. Il y a des petites étoiles avec des apostrophes. Tu nous présenteras ça, ta méthode de classement à un moment donné. Oh, ouais, c'est comme une échelle. Des petits symboles. Vas-y, mon prêtre, je parle à la super surprise de la journée. Ah, il nous a brassé la caméra pendant tabarnak. Ça fait quand même depuis mai que je suis pas venu, hein? Tu vas dire ici? Depuis qu'on était à l'ancien studio d'ailleurs. Ben ouais. Là, on est le quatrième. On est allé faire ça au FME, sinon on a recommencé. T'as manqué trois shows, mettons. Ah, c'est cool. Tu vas être sévère avec toi-même. Non, fait que je suis très content d'être revenu, les amis. Le FME aussi, on le compte. Je suis vraiment pas content que tu m'aies pas présenté au début du tour de temps. T'allais juste être là au FME. Voilà. Fait que là, on est quitte. Bam! Non, mais c'était le fun qu'il soit pas là. Ça nous a pu parler de lui puis faire le point sur plein de manières. C'est vrai. On a parlé de lui avec son petit frère aussi. Puis son petit kid. Vous l'avez entendu sur douteux.tv. Il y a quelqu'un sur Twitter. Le Twitter ne dérougit pas depuis qu'Israël est revenu. Puis il y a quelqu'un qui dit qu'Israël était sa chronique préférée après Bernatché, Corbin puis moi. Tu fais un heureux. Donc, j'ai plein de nouveaux stocks. D'ailleurs, j'ai commencé à me prostituer pour la cause. Je me pogne une fille qui a un shop-and-barge de lettres de secondaire de Gaspésie, puis dont la moitié, c'est écrit personnel dessus. Oh, super. Ah, OK, nice. Fait que ça t'es... Mais t'y en as-tu parlé? Ou... Non, j'y ai dit, donne-moi tes lettres, je vais les lire à mon émission de radio, okay. Qui est maintenant une émission de TV, je savais même pas. Hey, et voilà. Bonjour les amis à la maison. Avoir su, tu te serais arrangé. Si vous pouvez m'envoyer vos lettres de secondaire, vous pouvez le faire... suivante. Au 1803 Saint-Christophe, Montréal, Québec, H2L3W9. Ça devrait apparaître en bas de votre écran. Dès maintenant. Lisez-le. Ah, peux-tu faire ça? Il a peut-être écrit, lui, une petite gang d'imbéciles. C'est ça qui est pratique, c'est que nous, on la voit pas, l'adresse. Non. Mais nous, on la sait. On fait confiance après, John. On le sait. Vas-y, mon anyway, Israël. Anyway, je vais commencer. Excuse-moi. Je vous lis des miennes pour tout de suite. Non, on retourne parce à Rwanda en 98. Là. Non, là, j'en ai une de 97. Oh. Ça sent la mouillasse. OK. Salut, Israël. Comment ça va? Moi, ben, c'est très complexe. Ah, c'est-tu que ça gagne? Pas mal tout le temps de même. Ouais, mais paraît qu'elle l'a pas. Le prof d'anglais, il est con. Oui. Il y a des choses qu'il faut que je te dise. Ben, avant de sortir avec toi, ben, crois-le ou pas, dans 2 mois, j'allais sûrement être déprimé. C'était prévu. Parce que ça l'aurait... Ouais, dans 2 mois, elle allait être déprimée. Parce que ça l'aurait fait 3 ans qu'elle aurait été célibataire. Faut que je te dise... Ben des choses. Mais avant de commencer, je veux que tu saches 2 choses. La première, c'est que c'est dur de te dire. Dans mes erreurs les plus pires. Deuxièmement, je t'aime. Ah bon, c'est dur de me dire. Ah ben, t'es peut-être pas fait pour être ensemble. Peut-être pas. Fait qu'elle, dans le fond, est en train de dire qu'elle voulait avoir un chum parce que sinon ça aurait fait 3 ans. 3 ans qu'elle n'aurait pas eu. Puis en secondaire 2. En secondaire 2, ça l'aurait fait 3 ans. Ouais. Elle s'est fait flusher en 6e année, puis elle s'en est jamais. J'avoue, un court mis dans le contexte comme ça. C'est... Ouais, c'est ça. Mais tu dois penser que je suis hyper con. C'est oui. Ben, un tour de table, non, s'il vous plaît. Non. En secondaire 2, moi, je l'étais vraiment pas con. Je pense que hyper, c'est un peu exagéré. Super. Ok, excusez-moi, il y avait une suite. Ben, tu dois penser que je suis hyper con parce que je t'ai pas tenu la main. Ça, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Ça, je m'en crisse, par exemple. Ça, c'est con. On fait un tour de table. Puis je t'ai pas embrassé. C'est parce que j'ai énormément de problèmes. Le premier, ce qui explique tout ce qui est écrit dans les lignes précédentes, fait que c'est que vers la fin de ma 6e année, et voilà, on a bien calculé. Une fille a détruit ce qu'on appelle ma réputation. Hey, ça va crunchy, vas-y. Puis pour tout avouer, le trouble qui a suivi après. Ouais. Moi, je suis capable de presque comprendre ce qu'elle veut dire. Les gars me niaissent. OK, ouais. Elle a plus de réputation. Ça fait qu'elle s'est faite niaisser. Elle s'est faite niaisser par son oncle. Idéalement. En fait, je pense que c'est niaise écrit avec deux S. Ouais, c'est ça, je pense, moi aussi. Ouais, mais... Puis anyway. Ouais. Puis ouais, trois quarts du monde me regardent comme si j'étais un déchet la société. Pas ouais. deux. C'est un déchet la société. Un déchet la société. Ah. Puis après ça, je sais plus quoi penser. Sortent, là, hein? J'ai peur puis j'ai mal au ventre. Ben oui, parce que sinon, tu serais obligé d'arrêter d'être orgueilleuse et de penser que tu connais tout. Puis je me demande même si je suis pas en train de rêver. Parce que j'ai de la misère à croire que je sors avec un de mes kicks. Oh, t'es un petit kick. Je sais pas si c'est moi qui attire le trouble. T'as pas idée. Ben, t'as de le créer pour pire, en tout cas. Ah bon, je vais changer de sujet, TS. Sinon, je vais pleurer à force de me relire. Mais, je change pas de sujet, fais une pote à relire. Ouais, ah, parce qu'elle les a relues, toutes ces fautes-là. Ouais, c'est ça. Eh, bon. Je voulais que tu saches que ta malformation, je m'en calisse. Ça change absolument rien. Il y a un trou dans le chest. Ah oui, son trou chest. Écris ou appelle-moi Marilyn. Oh, Marilyn. On la salue. Est-ce que tu es encore en contact avec elle? C'est mon ami Facebook. C'est ton ami Facebook? On a une chronique où sont-ils devenus? Ah oui, ben je pourrais penser à faire ça. Ben, en tout cas, tu peux y envoyer le lien de l'émission parce qu'on est en archive sur... c'est assez. Ouais, non, mais merci beaucoup, Israël. Ouais, c'est ça, je vais en avoir une autre pour la fin de l'émission. Si ouais, j'aime ça, moi, quand on fait ping-pong. Hey, Forêt, as-tu le DVD, le cover? Parce que, tantôt, tu nous as fait une belle présentation de la chose, puis moi, j'aimerais ça que tu... Ben, les Jingle Cats, peu de gens le savent, mais les Jingle Cats, en fait, premièrement, sont 9, et deuxièmement, ils ont tous chacun un nom et une personnalité indépendante, donc on peut se poser. Une personnalité de chat, là. De chat. Ouais. Voilà. Donc, évidemment, c'est écrit en anglais, mais je vous traduis ça à la voix comme je le pousse. Ça dit, il y a très longtemps, dans le froid pôle Nord, 9 chatons sont nés un jour de Noël. Et voilà. Alors, il s'agit de, et là, attention, on prend des notes parce que ça va être à l'examen, Max, Cheesepuff, Binky, Clarisse, Petunia, Gramer, Sprikens, Twizzler et Q-Ball. Kramer, il n'y a même pas un lexique, là. Q-Ball. Il n'y a pas Kramer, j'ai dit Kramer. Ben, moi, j'ai compris Kramer pour vrai. Non, je sais pas. Il y a Twizzler, en tout cas, bon. Est-ce qu'il joue dans Kramer contre Kramer? Je sais pas. Non, mais il n'y a pas de Kramer, là. Vous il n'y a pas. Vous allez mêler les auditeurs. Alors, c'est la mère Noël les a trouvés sur sa galerie et... mère Noël. Et leur mère n'était nulle part aux alentours, donc elle... Très flou personnage. Oui, ben, elle a beaucoup de temps libre. Clairement. Elle leur a donné du lait et évidemment, elle était très gentille avec les 9 petits chatons. Comment qu'ils l'ont appelé en anglais, la mère Noël? Mrs. Claus. Alors, comme les petits chatons ont grandi pour devenir des chatons de taille moyenne, Oui, oui, ça va vite. Ça reste cute. Ils ont appris à chanter en écoutant la collection de records du Père Noël. Ben non, ils ont appris à chanter parce qu'il y a des programmes de montage qui sont rendus accessibles. Moi, je t'entends. La magie de Noël. C'était pour dire des niaiseries de même. Alors maintenant, à chaque année, ils font la tournée avec le Père Noël dans son traîneau et ils chantent des chansons de Noël pour le plus grand plaisir des lutins, des reines et du Père Noël lui-même. Des lutins. Miaoui Christmas à tous et chacun d'entre vous. Donc voilà. Ce qu'on déduit là, c'est qu'ils vivent avec toute l'année, tout le temps. C'est ça. Fait que c'est pas juste des tours. On n'a pas non de photos des. Mais il y a des vidéos. Mais il y a mieux que ça en fait parce que. Ouais, il y a des affaires étranges qui nous ont été livrées avec le DVD qu'on n'avait pas demandé. C'est venu avec comme ça. Il y avait tapé en arrière de l'enveloppe qui nous a été adressée. Il y avait cette photo-là. Puis derrière la photo, c'est écrit Michel et Andrea, sa demi-sœur. Fait que ça, c'était comme ça a l'air d'une photo sortie d'un vieil album de photos, genre de moi, ma part. Je suis sûr que notre appartement est rendu maudit à cause de ça. Et un peu moisi. Puis ici, oui, un peu moisi. Puis on avait également à l'intérieur 10 000 $ de la Banque de l'Enfer. Le Hell Bank Note ici en haut. Puis un petit... Ça vient avec les Jingle Cats qui... Ça vient avec les Jingle Cats. On a commandé ça de où, ça? D'un site web là, que Predge m'a envoyé l'adresse de, là. Et puis, mettons, est-ce qu'il y en a d'autres des DVD de Jingle Cats ou c'était comme le seul qu'il y avait? Non, c'est le seul. OK, c'est ça. Il envoie pas ça là, ça peut-tu eBay? OK, ouais, c'est pas affilié avec Pantoute. C'est un site qui semblait un site... ce genre de magasin en ligne là, mais ouais. Qui était un seul commerce là. The original world famous le plan, on va peut-être essayer de les contacter pour voir si on écoute ça un extrait changer notre argent des enfants. C'est ça qui joue en background. Ça joue en arrière. Nous on l'entend pas de Noël, mais eux autres à toutes les fois qu'on toi, parle pas personne de pouvoir le regarder, ah, moi j'ai la chance de pouvoir le regarder, c'est ça. Et sûrement que ça va jouer la journée de... Ah, la guide est malade. Ah ouais, t'as connaissé? Non, c'est superbe. Puis les chats sont bons, là. Ils chantent vraiment pour vrai devant nous, on les voit. Ah, mais y a pas des chiens qui débarquent, man. De temps en temps, y a des caméos de chiens, effectivement. C'est qui les chiens? On le sait pas. C'est les Jingle Dogs, mais ça. Les Jingle Dogs. C'est le Père Noël qui les a trouvés un moment donné. Ouais, c'est ça. Parce que les Jingle Cats ont sorti Miaoui Christmas, puis les Jingle Dogs ont sorti Christmas Unleashed. C'est deux Let the dogs out! Ouh! Oh, t'as sacrément. J'ai failli embarquer l'autre. Rendu là, Étienne, j'aimerais ça qu'Israël, pour qu'on lui offre un beau cadeau de Noël, qu'il choisisse sa chanson. Ouais, parce que je serai pas là la semaine prochaine, je vais être à Rouen, malheureusement. Déjà reparti. Mais je vais laisser une lettre à Tommy pour qu'il la lise pour l'émission de la semaine prochaine. C'est une bonne idée. Donc. J'aimerais beaucoup écouter Last Ketchup de Noël. Last Ketchup de Noël. Ah oui. Il s'agit bien sûr du Crystal Sound Christmas Remix qu'on écoute à l'instant. Hey, cette semaine, moi, j'ai découvert Taking Care of Christmas. Ouais. C'est pas une bonne idée. Ah, fait que là, c'est... Tu vois, il y a des grelots. Signe que c'est un remix de Noël. Et voilà, on est rendu à Noël. C'est ça. On va se rendre au refrain. Bon, ouais, puis c'est tout. Il n'y a rien d'autre. C'est pas Noël. Après. Ben, il y a des grelots. Ouais, ouais, c'est ça. Noël. Maintenant, ouais. C'est ça. Moi, je ne tue que ça à la tête. Je ne sais pas ce que tu veux de plus. Je veux que Bruno y soit d'accord. Okay. Hey, la magie de Noël! La magie de Noël! Ça rapproche les gens. Ça, petite anecdote, c'est une des chansons que je me suis fait reprocher d'avoir fait jouer à l'alternative urbaine. Pour vrai? Ouais. On avait dit de jouer la SketchUp, mon écœur. Hein? J'avais dit oui, mais c'était de Noël, mais non. Ça, c'est un remix de Noël, hein, c'est ça. Mais là, maintenant, ça joue à l'alternative urbaine. Yeah! La marge de la marge, la deuxième chaîne. La marge de la marge, c'est bon, ça. Voilà. C'est sur le bord de la feuille, pas mal. Ouais, en tout cas. Où on gratte dans le bureau. Fait que là, c'est de Noël. C'est de Noël, là, oui, c'est de Noël. On peut ça. C'est quelqu'un qui en veut un autre? Ben... Fred, Le Père Noël sur le haut avec les enfants, là. La liste. Le Père Noël Snoro, évidemment, un excellent album. Père Noël Snoro, c'est superbe. D'ailleurs, si tu veux, Predge, si tu veux la photo de pochette, va sur radiocoche.org dans le spécial des fêtes. C'est là. Donc, oui, Père Noël Snoro, c'est un Père Noël vraiment laid qui fait très peur. Il a les dents tout croche, la barbe un peu sale, puis il a l'air souple. Puis, Snoro, ça veut dire... C'est snow que... comme la neige, Snow. Hey, c'est pas Aéro des Québécois, ça. Non, Aéro. Juste Aéro, droit de demain. Puis là, ben il y a la liste des enfants sages, parce que là, si vous voulez savoir si vous êtes sur la liste des enfants sages, ben écoutez, vous allez le savoir, il va nous la lire. Chris, c'est tout. Ça dure seulement 8 minutes 30, donc je suis pas... Au pire, on met trop de choses. Je pense que Mathieu, il va peut-être faire sa chronique avec le Père Noël Snoro en background tantôt, ça a-tu l'allure? Moi, non, là. Mais Étienne, il dit que tu peux piler sur sa toune tantôt, Mathieu. Ben, écoute, ça va me faire plaisir. On va l'écouter un petit peu. On a préparé dans un grand livre la liste des enfants sages. Voilà. J'espère que tu écouteras attentivement d'ici les prochaines minutes. La liste des enfants sages. Et 1, 2, 3, je commence à l'estat. Je voudrais dire un beau bonjour à Elisabeth, à Raymond, à Claude, Louise, Nadine, Marie-Claude, ça parle des vieux Jacques, Isabelle, la belle Isabelle. Bobby, Serge, Tony, André, Gérard, Gaston, Nathalie, Janine, Lise, 8 minutes là? Gaëtan, 7 minutes 20 là. Stéphane, c'est 8 minutes et demie de nom. Le petit papa. Pas mal des noms des années 70, je dirais. C'est Bruce, pareil, il l'a Marie fait. Là. Ève, il y a beaucoup c'est de moi, je m'appelle Israël. Est-ce que je vais me sentir délaissé? C'est sûr. Nathalie, Lise, Rita. Il y a vraiment Rita, beaucoup de monde qui aurait juste abandonné Pierrette, le projet. Laurent, donné, mais c'est comme Dan Fowley qui fredonne Marie, Noël. Là. Tu sais, c'est qu'un coup que tu commences, il faut que tu y ailles jusqu'au aussi, bout. Évidemment. C'est ça qui est fort. Là. Guy. Je suis convaincu. C'est quoi le reste de l'album? C'est des tunes de Noël, de magie, de Noël? C'est des contes. Gislaine. Ok, il parle plus qu'il chante. Il parle, ouais, non, il chante pas. Est-ce qu'il est Sabine, Snowro, le Père Noël. Stéphane, Michel. Ouais, parce que Mathieu, tu vas nous amener dans ton univers Robert, particulier. Gilles, Jean-Guy, André. Ben, je t'en prie, je Philippe, t'en prie. Jeanne. Jeanne qui m'écrit comme à chaque année. Elle ne lâche pas la belle Jeanne. Oh non. Ah, ça paraît pas que j'entends ça, puis je suis un peu ému, je vais te dire, parce que. Jean. J'ai tout à rêver qu'ils disent en fait mon nom. Il y a des bonnes chances qu'ils le disent. Léopold, moi j'ai été placé sur cette liste-là Roland, quand j'étais en quatrième année. Réjean, ça a déjà été fait avant. C'est la fois des pétards. Cécile, ouais, ben si tu veux. José, dans deux mois, Twitter, il y a des papas. Ma soeur, elle trouve c'est pas la fois des pétards, c'est plutôt la fois de son pet, mais en tout cas, c'est d'autres choses. Jacqueline, mais je vais commencer tout de suite avec des petites nouvelles sympathiques, mais Denis, je vais te donner le nouveau dessin que mon fils a fait pour toi cette semaine. C'est Mathieu. Mathieu nous a encore une fois offert un très très beau dessin. Ah oui, c'est une je pense belle maison. C'est une fin de semaine au chalet, c'est ouais, ça? C'est ça, c'est le feu de joie, la fin de semaine au chalet. On voit la belle fleur, merci pour la belle fleur. Ça s'appelle « Sauve une fois au chalet ». Là, tu connais son grand-père. Ouais. Merci. C'est très apprécié, Mathieu. Puis en tout cas, à chaque semaine, là, moi j'ai encore tes autres dessins de la semaine passée. Là, le gentil garçon qui se baigne et tout. On va les accrocher dans le musée, je te le promets. Et c'est même toi. C'est pour toi qu'on a fait le concours de dessin. Ça veut dire continue. Rends ton papa fier. Et puis. Ah, puis t'es mieux. Merci. Ouais. Non, mais ça fait sinon. OK. Fait que bon, on va en faire des petites comme ça. Hein. Ne cherche pas la politique où il n'y en a pas, hein? Mais la politique se cache où tu ne t'en attends pas, hein? C'est important. Ah, va te sauter si dans la face. Ça, si je te dis ça, c'est parce que je veux que tu le prennes en note. Tu peux être certain que tu vibres, hein? Mais pour le reste. Vous savez, si vous devriez voir les enfants, on n'est pas sûr. Un dicton pour les terres à terre, hein? Rien ne sert de courir si t'es pas pressé. Je dois vous dire que la des étoiles se surpasse son écriture. Moi, ce que j'aime dans la diversité, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Hein? Puis justement, l'expression « les goûts, ça se discute pas », moi, je pose la question, les goûts, si ça se discute pas, de quoi on va parler? Ouais, ça va être difficile. OK. Ouais, toutes les opinions se valent aussi, ça en est une spéciale. Ouais. Ben, en tout cas, moi, je méditais là-dessus. Tu vois que moi, c'est une semaine bien tranquille que j'ai eue. Ouais, je méditais. J'étais comme à ça du sol à peu près. En tout cas, ben c'est le fun pour les fesses, ça m'a reposé une semaine. Mais ok, je vais continuer avec. Si tu vois un gars habillé en noir qui court sur les toits d'un édifice, suivi d'un corbeau, ok, dérange-le pas. Il est pressé, il a juste 24 heures pour se venger. Okay. C'est un peu chien de le déranger en plein milieu de son affaire. T'sais. Puis dans le même thème, si tu rencontres un beau millionnaire la même semaine où tu te fais sauver par un justicier sombre et ténébreux, c'est peut-être juste une coïncidence. C'est, ouais. C'est, ouais, ouais, ouais. Catégorie choix de vie, quand t'as réussi à tuer tous les vampires dans la grange, puis que t'as pogné la fourche, que t'es allé dans la maison sauver la petite fille pis qu'elle t'a donné l'ail, que t'as lu le parchemin qui te disait où était le cercueil et que t'as passé à travers la forêt avec les loups-garous, tu peux te donner un break. Tu saves pis tu vas prendre un bain maintenant. Un café, un fumer une top, tu sais. Souvenir, quand j'étais jeune, en dessous de mon lit, il y avait un vrai monstre. On voyait juste ses bras. Puis à l'intérieur de ses mains, il tirait du feu. C'était tricky pas mal. Ben ouais, ben ouais. Fait que tu peux pas t'imaginer les nuits d'aventure que mon père pis moi, on a eu à essayer de chasser ce monstre-là dans son univers. Écoute, les souvenirs, man, ça a pas de prix. Je revois mon père avec sa hache qui tranche la main du monstre, t'sais, pendant que j'y scie le bras gauche pour libérer ma jambe. T'sais. Après ça, mon père, il lance la grenade en dessous du lit, t'sais, la grenade faite avec les ingrédients des anciens de mon garde-robe. Puis là, à deux, on réussit, ok, par implosion éthérique, à renvoyer la créature dans son univers. Du bonheur. Ça te prend en plus une coordination parfaite avec ton père. Ça, c'est... L'instant, tu sais, le moment présent, c'est comme ça qu'on le vit. Moi, mon père, c'est un homme brutal, hein, tu sais, au principe dur, mais à la hache aiguisée, mais jamais il aurait refusé de participer à la créativité de son fils. Et ce, n'importe quel niveau de son alcoolémie compris. Ouais, c'est ça. C'est, non, mais même c'est important si que je te dise. Ça voulait dire qu'il fallait qu'il refasse tout le plancher de ta chambre. Écoute, il y a eu de la décoration souvent chez nous. Home staging, qui appelle ça, nous autres, on démontait le stage. Tu sais, c'était ça fessait, tu sais. Observation historique, hein, en terminant. C'est quoi le moyen préféré des hommes de transport des hommes primitifs? Pas, le dinosaure. Pieds. Les pieds. Ah. Les pieds, exactement, ben ouais, ça. Ben ouais. Mais il est intéressant de noter, hein? Il est intéressant ben ouais, de noter. Non, Forest, pogne ça. Pogne ça parce que. Là. Intéressant de noter, c'est historique. C'est écrit ici. Fait que c'est écrit quelque part. C'est écrit, c'est vrai. Ça doit être vrai. Il est intéressant de noter que l'ancêtre, OK, est passé de ses pieds au Vélociraptor. Un mode de transport beaucoup plus rapide, mais aussi beaucoup plus dangereux. Hein? Et, la vitesse, tu? Ben, exactement, et aussi la créature. Et c'est d'ailleurs dans un but de sécurité, ouais, hein, que le débutant s'est mis très rapidement à fabriquer le Brontosaure. Le fameux modèle T-Rex, hein, ouais, de Fordosaurus. T'as-tu écrit pour les pierres à feu? Le résident de l'âge de pierre, hein, pouvait se procurer pour seulement deux chasses. Le robuste reptile. Peu d'entretien, garantie à vie, le joueur de tam-tam en option. Et Chris, non. Tu sais, certains disaient Yabadabadou. Ouais, hein? On l'a entendu souvent. Cependant, une collision entre notre planète et un astéroïde mit un frein à ce que les spécialistes ont appelé aujourd'hui la pré-pré-industrialisation. C'est ça. J'aimerais juste rappeler à nos auditeurs que en réalité, c'est rarement la vitesse qui tue, c'est plus l'arrêt brusque, en fait. Ouais. En fait, oui, c'est vrai. C'est... Ouais, c'est... Ouais, il reste 12 cœur, secondes de nom. Le Père Noël vous dit merci de votre bonne intention, les enfants. Okay. Merci de notre bonne attention. Ah ben, on est revenu juste à temps pour ça. Ben, c'est hey, ça veut dire quoi? T'as fini ton... Oh oui, absolument, moi j'ai terminé. Merci oh, beaucoup, Mathieu. Merci, ça toujours super. Ben oui, t'en verras. Bravo. T'es en train de devenir lentement ma chronique préférée. Là. Après Bernanache, Corbin, Israël. Ouais, ben c'est ça. Non, gagne des points. Non, non, c'est tout égal. Ça. On est tout égal, peu importe dans l'ordre qu'on le dit. C'est tout ex aequo, c'est ça. Ouais, ouais, on va écouter un clip, ça va être quoi, là? Mononcle Serge Anonymous! Ça va être un Mononcle Serge et Anonymous, je pense que ça va être poli, puis plein de romance. On va revenir, on va parler de Titanic 2. Ça s'appelle pas de même. Mon dit après-midi, moi je travaille fort. À can buy some from Leo's on the shore. Do ya? Lorsque sur ces pleines pièces de petits vieux de débellerie, les filles qui travaillent les magasins, là, souvent sont pompées. Bah, c'est pas qu'ils sont décalantés. Souvent y'a une belle face, mais sont gros sous. Sont bien chépés, mais tous ils sont un peu bien, mais check. En gros, il y en a pas mal des bandes. En tout cas, moi, je trouve que y'a là des pompées. Y'a là des pompées. Y'a là des pompées. Y'a là des pompées. Check pas ta peau de pitot de pompées. Y'a là des pompées. Hey, t'as-tu vu la barmaid? Ouais, pas pire, hein? Catherine, ça c'est ma voisine. Elle est drôle, t'sais, hein? Elle a comme les nerfs, un peu parlant dans le vent comme Joe Louis. Ma tête, là, c'est super, par exemple. Oh, en gros, finalement, pas pire. Ça m'a arraillé l'auto, il est chez nous, y'a ouais, pis t'sais. Ouais, pas pire, ta voisine. Quand on dit que t'es pas pire, là, ça c'est un bon point pour toi. Ça, ça veut dire que t'es fou, là. Mais là, quand la fille, elle entend ça, au lieu d'être contente, elle fait comme si elle était choquée. Ça, là, c'est de la petite bullshit, parce que dans le fond, elle tripe la colisse. Fait qu'on vraiment être une grosse frustrée pour être insultée. Hey la touffe, j'ai dit qu'après 8 neviers, toi, t'es pas peur. Y'a là des pompées, y'a là des pompées, y'a là des pompées, y'a là des pompées. Y'en a un ton des pitons, pompées, y'a là des pompées. Wow, yeah. Car partout, c'est Noël. Car partout, c'est Noël. Bouchon et ses écureuils. De Palo Noël. Bruno Nouvelle. Oui. Alors, un chèque anonyme a été cité dans une publication religieuse d'Arabie Saoudite en affirmant que les femmes ne devraient pas s'approcher ou toucher des bananes ou des concombres afin d'éviter les pensées sexuelles. Ouais. Il ajoute que si une femme veut manger des bananes ou des concombres, ils devraient être coupés en morceaux préalablement par leur mari ou leur père. Le chic a aussi ajouté les carottes et les zucchinis à la liste après la publication de l'article. Oui, il y a d'autres affaires. Il y en a plein. Lorsqu'on lui a demandé si le simple acte de tenir ces objets au marché serait néfaste, il a affirmé c'est entre Dieu et les femmes. Ah ça, rendu là. Rendu là, c'est ça. Ça sort de ma juridiction. Ouais, c'est ça. Le clergé islamique en Arabie Saoudite a récemment fait les manchettes en se positionnant contre l'abolition de l'interdiction aux femmes de conduire. L'argument dans cette affaire était que toutes les femmes allaient perdre leur virginité en se livrant à du sexe pré-mariage dû au mélange des genres. Parce que ça va causer quand ils vont conduire. Ouais. Ouais, c'est ça. Il prévoit l'extinction de la virginité en 10 ans. L'extinction! interdiction. Il n'y en aura plus jamais. Si cette interdiction est levée, puis d'autres affaires de même, là, c'est rare que j'en parle d'eux autres parce qu'ils tapent bien gros ses nerfs. Chaque semaine, ça revient. Ça, là, ouais. Là, y a la fille a été condamnée à mort parce qu'elle s'est faite violer, mais là, finalement, elle a été graciée parce qu'elle a accepté de marier son agresseur. Ouais. C'est correct. C'est comme ça, Dieu, il dit c'est correct. Ouais, ouais. C'est bon. Tu te fais pas venir d'enfante pour des niaiseries. Non. C'est de ta faute si lui, il bande. Mais ouais. C'est quand même une belle histoire d'amour. Ils vont raconter ça à leurs enfants. Tu sais, comment vous comment rencontrés? Vous êtes rencontrés? C'est ça, ça va être cool au bord du feu. Hein? Non, mais c'est parce que d'habitude. C'est... Mamie, raconte-nous comment t'as rencontré papy. C'est non. Ça. Non. D'habitude, c'est une histoire genre qu'on raconte ça, comment tu t'es laissé. Mais là, ça les a unis. Elle va peut-être embellir la patente. T'sais. Moi, sûrement. Fait que là, il m'a amoureusement déchiré ma robe et pris de force par en arrière. Voilà. On rit comme parce René que c'est drôle, Céline. Dans le fond. T'sais. Non, mais si on faisait ça, il n'y aurait plus de célibataire, les films, si on appliquait cette loi-là. Moi, je suis pour ça. S'il y a des gens qui écoutent à Valleyfield, alors je vous pour que ça soit ça. T'en as-tu une autre encore? Oui, je pourrais en faire une autre petite. La nouvelle sensation mode en Chine, des répliques réalistes de ventes de femmes enceintes. Ressemblant à l'abdomen d'une femme enceinte, les imitations ont été décrites comme ayant la couleur de la chair et la texture de la peau, et comme étant très, très, très confortable. Oui, ça doit. Il y a en ce moment trois types de faux ventres vendus, chacun ressemblant à différentes périodes de la gestation. Les prix varient entre 80 et 250 $. La majorité des clients les ont achetés en blague ou pour une performance alors qu'ils voulaient vivre une expérience de vie de femme enceinte, affirme le propriétaire d'un magasin. Et ça me semble étrange, à quoi ça sert, affirme un internaute. Tu vois la sagesse sans visage. Ben, merci bien gros Bruno. Un plaisir. Près, si tu permets, on va retourner écouter des clips. Ouais. À 20 minutes 30, on est dans la cabine du capitaine. C'est assez pas pire. Je l'aime beaucoup ce bout-là parce que le capitaine, on sent qu'il est puissant puis qu'il maîtrise tout puis qu'il voit tout depuis sa cabine de contrôle. Puis vous allez voir, dans le fond, c'est le décor, c'est comme des affaires qui font de la lumière. Puis il y a comme un demi-cercle de stars horizontaux en avant. C'est de toute beauté. Ah, sac! Le bateau toujours aussi crédible. Pas de bon sens. Ouais, torche solide! À quoi ça me fait penser, ça? Il me semble que j'ai déjà vu ça dans Birdemic. Choses. Et voilà, c'est donc la cabine du Titanic 2, le plus grand destroyer. Là, ce qu'on voit, c'est que le capitaine est vraiment à son affaire. Il y a un café aussi. Hein. Oh, capitaine, ils ont souvent un café. Hein, son costume est comme ça symbolise qu'il relaxe. Il partait de l'Angleterre. C'est beau, hein, la cabine des capitaines qui ressemble à un salon un peu. C'est fou, mon gars. Jeune puis, capitaine. Plus tard, quand le bateau coule... Ah, c'est spoiler. Ah non! Plus tard... Toutes les stars horizontaux sont comme tirées, puis on le voit, lui, d'en arrière. Mais le capitaine, il est comme tout seul, puis il est face à la catastrophe. Je me permets de vous rappeler. Ah, puis là, le gars, c'est du CV chanté, j'adore ça. Il est en train de dire... Que son prédécesseur, mais en réalité... Ok, attends, écoute ça. Ironique, n'est-ce pas? Comment ça? C'est exactement la même température qu'il y a 100 ans. Oh! Je vois. Heureusement, nous avons assez de canaux de survie cette fois-ci. Il y a iceberg sous roche. Nous devrions voir des glaçons que dans nos verres. Oui, pas mal, oui, monsieur. Il a dit que. C'est quoi qu'il a dit qu'il était ironique? C'est que la température est à moins 1. Je me permets de vous rappeler que nous ne savons pas ce que ce bateau allait faire. C'est ironique. S'il y a une urgence particulière. Tout va bien, Elmer. Il a la même allure que son prédécesseur, mais en réalité, il n'a rien de comparable. Bien, monsieur. Il est pareil, mais il est différent. Et puis là, c'est le bout. J'en aime beaucoup ce bout-là parce que t'as le spécialiste. Il nous reste combien de temps avant la rupture? Puis ça, c'est la scientifique. Mais je peux vous affirmer que l'océan Atlantique sera dévasté par l'onde de choc. Elle a dit ça toutes les fois qu'on a fait. Deux fois pire que la dernière fois. Et puis là, ben, il va y avoir la catastrophe. C'est quand même assez fabuleux. Un beau film de The Asylum. Et puis mon texte va tourner surtout autour de lui. Il prend des samples de neige, c'est ça, scientifiquement? Il prend des affaires qui s'échappent là, pour faire rire. Oups. On va étudier la neige. Checkez bien ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Le spécialiste des glaciers, il est sur le glacier. Pas là, sûr. Il sent que ça brasse partout. Il dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis, il a dit, là, ça va s'effondrer, ça va bientôt. Tomber bientôt. À ma grosse marde. Ouais. Fait que là, le gars qui s'y connaît, qui est à sa place. Checkez bien le gars, il va tomber. C'est ils sont juste aussi 2010. En jeans, Titanic 2, en 2010. Oui, ben oui, ben oui, c'est l'équipe scientifique. Mm-hmm. Check, 2010. Oh! Il l'a pas vu venir, ça, là? Qu'est-ce qu'on devine? Le décès, le vrai, le pur, celui duquel on ne revient pas. Vont-ils se ramasser ensemble? Ben, yeah. C'est bien ah, tu penses que la fille jeune, elle va coucher avec nous... Willard? Ça, tu peux, hein? Tu nous avances ça à 28 minutes 35, s'il te plaît? À 28 minutes 35. Ouais, ouais, c'est vraiment jump-pack, ce film-là. J'ai bien aimé ça. Mais en fait, je voulais pas être trop spoiler. Tu sais, je voulais pas montrer que. Le bateau coule à la fin. En tout cas, c'est trop tard. Un énorme glacier s'est effondré au Groenland. On est équipé contre les icebergs. Ce n'est pas l'iceberg qui nous inquiète. Cette vague est un tsunami qui avance à 800 km/h. Combien de temps? La NOAA nous envoie les données, monsieur. Restez avec les gardes-côtes. Capitaine, nous sommes en eau profonde, ça va nous secouer un peu, c'est tout ce que ça va faire. Capitaine, les gardes-côtes veulent vous parler. Ici le capitaine Howard. Qu'est-ce qu'il va répondre ? Capitaine Howard, ici le capitaine Maine des gardes-côtes. Je vous écoute, capitaine. Est-ce qu'il y a de la glace là où vous êtes ? Négatif, monsieur. Je vais devoir vous demander de faire demi-tour immédiatement. Qu'avez-vous dit ? Cette vague est impressionnante. Elle charrie une force incroyable et elle emporte des tonnes de glace avec elle. Il faut vous détourner plein ouest et envoyer tout ce que vous avez dans les moteurs. Plus vous serez en eau chaude et moins vous aurez de chances de rencontrer de la glace. Je sais que ce bateau ressemble au premier, seulement nous sommes sur le Titanic 2. Et voilà. Nous avons des détecteurs et hyper voilà. Sophistiqués moi, qui peuvent nous signaler un glaçon à 5000 à la ronde. Ça. Il dit, hey là, le glacier nous fera pas peur. En anglais, may I remind you that we're on Titanic 2. Tu sais, tu peux pas dire ça en étant sérieux, man. Prends ton petit. Va-t'en chez vous. Tu peux laisser peut-être. Moi, m'en parler par-dessus dans les années 90. L'incoulable 2. C'est ça. Le monde au complet, mais surtout les investisseurs ont réalisé d'un coup que le domaine où le risque est le plus grand, mais la promesse de profit aussi la plus grande, c'est celui de la culture. Le Blair Witch Project, Cube, The Office, Dan Foley, Fredon Noël, toutes des concepts qui coûtent pratiquement rien à faire, mais qui font faire des millions tellement l'idée est bonne. En fait, ça marche tellement bien la culture pour faire du cash qu'ils ont logiquement et beaucoup plus rapidement que pour les problèmes liés à l'eau potable et à la malnutrition, commencé à travailler sur le dit problème généré par le facteur risque dans l'équation de la culture. Les budgets des films sont maintenant souvent assurés, rajoutant une autre couche de valeur virtuelle à un produit qui se doit de répondre à des règles de plus en plus serrées, le touchant de moins en moins directement. Alors, c'est des vestons-cravates entre eux autres qui se parlent, c'est pas le réalisateur du film qui est obligé par ça. Difficile de comprendre les riches qui se posaient ce genre de questions. Deux points. Bon, comment je peux diminuer les risques de perdre l'investissement que j'ai mis dans Bruce le Tout-Puissant? Tu sais, t'imagines, mettons, ce pattern-là. Là. Comment m'assurer de rentrer dans mon argent avec la ligne de vêtements de 50 cents? Comment faire sûr que je vais générer du profit au travers du parfum de Maman Dion? Heureusement pour les décideurs, ce ne fut pas long avant que ne s'impose la réponse. Niveler vers le bas. Ouais. Il nivelle vers le bas parce qu'on est vraiment cave. On est vraiment cave parce qu'il nivelle vers le bas. Un jour, pas par choix, mais par hasard, j'ai pris connaissance du fait que Megan Fox ne jouerait pas dans Transformers 3. J'ai ensuite imaginé les nombreuses conséquences résultantes de l'absence de la pitoune à biais serré dans un conflit millénaire à l'échelle de la galaxie entre deux factions de robots géants ultra perfectionnés. Ben oui. Quelqu'un a un tampon, j'ai oublié d'en prendre avant de lâcher la tête. En passant à toutes les fois que vous croyez avoir affaire à un insight que vous pouvez pas comprendre, c'est en fait une métaphore habile, utile à votre développement. Okay, c'est ça. Forcez-vous, s'il vous plaît. Bon. The Asylum, peut-être au travers de Titanic 2, mieux qu'aucun autre de ses films, incarne exactement cette idée de nivelage vers le bas, du recyclage de méthodes et de concepts winners du passé, au point de caricaturer où la caricature devient pathétique. Pour The Asylum, le cinéma, c'est d'abord et avant tout, ben en fait uniquement, une affaire d'argent gérée exactement comme un portefeuille, soit selon des courbes de référence et de probabilité, des modèles testés et éprouvés par une industrie plus que centenaire. La notion de culture ainsi réduite, on comprend pourquoi on est devant une compagnie dont les idées sont dépendantes de ses outils, c'est-à-dire pas de la manière correcte de faire. Donc, en premier lieu, The Asylum se sert de bons outils sans savoir comment les utiliser correctement. Tous les trucs efficaces du livre sont utilisés sans aucun discernement. Toute trace d'innovation scénaristique deviendra rapidement illusoire parce que synonyme de risque, plus que de y aller par une trail qui a déjà fait gagner du cash au gars qui investit dans Bruce le Tout-Puissant. À titre d'exemple, le personnage qui a fabriqué le bateau, qui est le réalisateur du film, comme on a appris tantôt, va finir avec son ex, soit l'héroïne, la fille du responsable de l'observation des glaciers qu'on a vu tantôt. Glacier qui va détruire le bateau du chum de l'héroïne. Tu sais, exactement comme dans l'autre film, dans Titanic 1, l'amour va revenir par la grande porte d'en avant vers la moitié et prendre bien trop de place dans un contexte qui... Je veux rien spoiler, comme je disais, mais mettons qu'il y a un glacier puis que c'est un film catastrophe tournant autour d'un bateau géant qui s'appelle Titanic 2. Je vois pas plus loin, hein? Vous ferez vos conclusions. Ouais. Leur attitude face aux images de synthèse est très, très révélatrice si on considère la quantité de films de monstres avec des tentacules et autres patentes dont The Asylum est responsable depuis qu'ils ont acheté l'algorithme permettant de rentabiliser le ratio temps-investissement lié au programme de rendering de tentacules. Quand quelqu'un a fait la job à ta place, tu donnes de l'argent pour avoir le résultat, mais tu veux l'utiliser pour le rentabiliser, ton programme. Fait que fais-moi Mega Shark, Giant Octopus, Sharktopus, Octopus Mega, voilà, Octopus 6, on part une série. Ça nous prend un acte. Paul Hogan. Je le vois exactement dans ce genre de film. La mère, il connaît oui, ça. C'est ainsi, ouais. Il fait rien. Non, il fait rien. Rien, rien. Donc, mesdames et messieurs, je viens vraiment de faire une métaphore à prendre au premier degré quand tu y penses. The Asylum va également niveler vers le bas, beaucoup grâce au décor. On l'a vu dans la cabine du capitaine ou à la banquise congelée en infographie. Le color key tout croche des séquences de bateau. Et ma préférée à moi, c'est vraiment la cabine de pilotage du Titanic 2. Je crois que vous allez pas mal apprécier les séquences dans le film. On les a vues là. Puis bon, on va l'écouter tantôt, juste après l'émission. Et au brouhaha, il y a dans 5 autres films. C'est sûr, ouais, ça va vite. Une autre bonne méthode de faire sûr de niveler vers le bas, le suspense facile. La passe de chat, en fait, la fille marche pour aller voir ce qui se passe parce qu'elle a entendu un bruit là-bas, puis là, ben, y a un chat qui saute dessus en faisant « Rire! » à cette hauteur-là de l'écran, comme ça arrive jamais, mettons. Ben, quand... Tu sais, ça, c'est une passe de chat, mais le chat, ça peut être une métaphore aussi. Là. Ça peut être l'ami du héros qui arrive dans le dos quand que l'autre, il était comme rendu loin du groupe. Là, là, ça, c'est une passe de chat. Ouais. Le chat devient l'ami du héros, mettons. Là, ouais. C'est une métaphore. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est une méthode de création de suspense facile et récurrent. Mais ce soir, dans Titanic 2, c'est les dialogues vaseux que je vous demande de remarquer. Les dialogues vaseux sont ces informations soutenues uniquement par la parole d'un personnage, souvent amenées comme ça, sans preuve ou justification, dans le seul but de nous rappeler des faits hors cadre sans user de flashback. J'aime ça quand je suis obligé d'écrire des définitions des concepts comme ça. C'est ça, man. Faut pas oublier qu'il y a pas de flashback quand tu vas avoir un dialogue vaseux. Tu sais, « Ah, tu te souviens l'été que tu es devenu invulnérable? » Voyons. Ben oui. Je suis Jack, je suis ton frère. Ben oui, ben. Okay. Oui. Salut, t'as des nouvelles de maman? Il y en a des super belles dans le film d'asseoir. À un moment donné, ils sont dans l'hélicoptère. Puis là, il y en a un qui demande est-ce qu'on va avoir assez de carburant? L'autre, il dit normalement, oui. Je crois qu'on devrait avoir un faire le plein en chemin. Ben, ok, fait non. À l'aise, c'est quoi? On rajoute du suspense pour rien, ça coûte rien, tu sais. Ça se peut qu'on se rende pas. C'est ça, tu sais, c'est comme, mettons, I have definitely have breast cancer, pis t'en parles plus, tu sais. C'est rien, tu sais. À un moment donné, le boss des gardes-côtes, il appelle le capitaine de Titanic 2, puis il dit « Non, ne les mettez pas dans les canaux de sauvetage, c'est un piège! » Non, c'est déjà fait. Ah, donc. Puis il y a deux superbes CV à haute voix. Moi, j'adore ça, les CV chantés dans les films, parce que souvent, c'est une manière de faire les coins ronds au niveau scénaristique, tu sais, à place d'expliquer ce qui se passe dans l'histoire, tu sais. Ah oui, lui, c'est le meilleur. T'es bien mieux de mettre une séquence qu'il est en train d'être hot. D'être meilleur. C'est ça, voilà. Donc, sans vouloir trop spoiler, c'est un film qui s'appelle Titanic 2. Mm-hmm. Et qui a trait à un bateau géant. Et il était dans la section film catastrophe. avec un gros glacier sur le cover qui court comme après le bateau. Finalement, je terminerai sur la déception incarnée par The Asylum, parce que j'ai surtout parlé de ça ce soir au travers de Titanic 2, en vous citant les films que je sens vampiriser dans les 10 dernières minutes de Titanic 2 qu'on va voir ce soir, soit au travers de la trame sonore que t'es en train comme juste une twist que t'as vu ailleurs, un plan qui te fait penser à quelque chose, là. Il y en a en esti dans les 10 dernières minutes. Aliens, Abyss, surtout Abyss, Lord of the Rings, Titanic 1, Predator, Blade Runner, Dans les bras de l'enfer. Pis c'est tout, à part Dans les bras de l'enfer et Blade Runner et Predator, et pas mal la majorité. Non, mais je veux dire, c'est tout des succès du passé desquels eux autres, ils ont juste repris ça parce que ça a marqué. Fait que là, on, tu sais, rajouter un autre milestone, mais c'est pas du comme... un hommage. Ouais, comme quand il a fait voyons, la même année que Transformers est sorti, puis qu'il a sorti Transmorphers. Ben ouais, c'est un hommage. Non, c'est clair. Donc, pour finir mon gentil texte sur The Asylum nivelle vers le bas parce qu'on est vraiment cave. On est vraiment cave parce que The Asylum nivelle vers le bas. Non, on dirait que là, par contre, il y a une bonne réponse entre les deux. Donc, c'est pas mal la fin de mon super texte. On va y aller au brouhaha tantôt. Il est quoi? Il est 8h28. Ouais. Ça va nous prendre... fais-moi ça vite, toi, une petite affaire. Là, de Fred? Ouais, pour finir en force, dans la catégorie joke toujours. Jolie femme mature, ligne orange. Chère femme fatale dans la soixantaine. Je suis entré dans le métro en direction Montmorency vers 8h30 et je suis assis en avant de toi. Je me suis assis en avant de toi. Tu m'as regardé brièvement et j'ai baissé le regard. Tu portais un manteau noir de velours, tu as les cheveux gris attachés et des belles lunettes. Avant de sortir à la station BU-CAM, nos regards se sont croisés et j'ai senti mon cœur s'arrêter. Je sais que je suis un peu jeune. Quand je me suis réveillé. Je sais que je suis un peu jeune pour une gilf, en parenthèse, parce que là on parle plus de mille. Mais j'aimerais te revoir de ton admirateur secret, Jacques Rousseau, de Jacques 1994, qui est nettement trop jeune pour elle. Pour s'appeler Jacques. Mais l'amour n'a pas d'âge, hein, comme nous l'a prouvé tellement d'histoires qu'on veut plus entendre. Israël, pour fêter ça, on finit l'émission de 70% avec toi. Merci. Avant ça, j'aimerais ça dire merci. Ah, toi, t'as une autre nouvelle? C'est une nouvelle. Hein. Oh, ben, vas-y, Bruno, puis après, c'est Israël. C'est bon. On défonce. Alors, le département de la santé du Wyoming a confirmé deux cas de campylobactériose déclenchée chez les employés d'un ranch de moutons. Les deux hommes avaient plusieurs symptômes, dont les douleurs abdominales, vomissements, diarrhée, fièvre, et l'un d'eux a dû être hospitalisé pour une journée. Les deux patients avaient participé à la castration de moutons et auraient utilisé leurs dents pour y parvenir. Ça coûte moins cher. Ils sont les deux seuls employés à avoir utilisé leurs dents. Le propriétaire du ranch et les employés ont été avisés d'utiliser des méthodes standardisées de castration et de bien se laver les mains après. Ouais, c'est bien ISO 9001. C'est des méthodes de pas de crise de cave. C'est le style, non? C'est des traditions, style. À un moment donné. Là. Ouais, j'avoue, hein, tout le monde était plus heureux dans le temps. Ouais. Hey, avant de te laisser le micro jusqu'à la fin, merci beaucoup, Fred, pour le flirt, l'aventure et tout. Ça fait plaisir. Merci, Étienne, pour les Jingle Cats et ta présence invulnérable. Je vais avoir une heure de musique de Noël samedi. Samedi, ne manquez pas ça, des belles affaires. Ça va être toute la... Puis on va essayer aussi d'être le plus possible sur les médias sociaux pour pogner vos Twitter puis tout. Là, ouais, pour, oui, oui. Demande spéciale, être super impliqué. Là. Mathieu va être là pour faire les bruits pendant mes comptes. Mathieu Boudreau, merci beaucoup. Ça a fait plaisir. Il est content. Et puis, ben, Bruno... C'est ça, là. Je suis pas. Fait qu'on vous laisse avec Israël qui fête son grand retour parmi 70%. Merci, les amis. Ouais, ouais. Merci, Andy et Simon Préjean à la technique. OK, ça va comme ça. 1, 2, 3. Salut, Isra. Ça va, la vie? Moi, oui. J'ai hâte au 28 pour que mon nouvel amour... Pour voir mon nouvel amour. Hey, tu viens-tu vendredi à la danse? Moi, je sais pas, mais ça se peut fort bien. Je m'ennuie de Jason. Je l'aime. Mais lui, je pense pas qu'il m'aime. Je pogne pas puis je suis lette. C'est ça qu'on parle. Et ne m'ostine pas, OK? Bon, j'espère que tu l'as compris que personne m'ostine. Ben, je te dis bye. Et dedans un cœur, on voit Me Love Jason. Me love Jason. Ça, c'était... Dans le fond, là, les chroniques d'Israël pis de Fred, c'est comme la même chronique, mais 15 ans plus tard. Sauf que la mienne, c'est tard. Pas des jokes. C'est ça. Mais c'est le même message qui est là pis que chacun cherche à exprimer d'une façon différente avec sa génération. C'est tellement beau. On va parler d'affaires de cœur, on parle tout le temps d'amour. Tout le temps. Ben ouais, j'ai hâte d'aller voir le film. La salut les chums. La féerie de Noël. Ben, okay, Israël, ben, bye, là. Je vous aime, c'était super le fun de revenir. Yeah! Salut! Salut, bye, les amis à la maison. Soyez prudents, il fait 2 degrés à l'extérieur de nos studios. C'est tout. C'est ça. Et il fait moins que ça, ça. Non, il fait 2. Ah ouais? C'est marqué, c'est la météo média. Okay. Новогодняя зимняя сказка и 12